plein automne. Le temps est si inerte, si les notes attristent les autres, elles tombent comme des feuilles mortes. L'orage tonne, parfois ça gronde, on a le blues et on a Toussaint. Pincement au cœur dès qu'arrive la Toussaint. D'octobre à décembre, il peut descendre et la tristesse abonde. Ah bon, quoi de nouveau dans ce monde, à part des tombes qui se dressent. C'est la période où le soleil se cache, où les nuages sont gris, où j'écris tout ce qui peut se décrire. Je les entends tous qui poussent des cris graves. Moi ça se calme avec le temps, depuis que je fais face aux barrières et aux entraves. J'estends dans ma peau ce ton, mon automne, ces ombres d'arbres sur les tombes où l'espérance s'estompe. Ça me colle à l'âme, je préfère qu'il pleuve, je préfère les larmes, j'ai le spleen et j'irai me noyer dans son fleuve. Je vais si bien avec ce monde sombre, je le serai tant que il y aura de l'automne dans mon encre. En plein automne, puisqu'on vit dans l'ombre, une seule saison par an qui reflète la couleur d'un monde, là où la mort et la vie se confondent. Des restes de l'été, mais sur sa tombe, c'est les feuilles qui tombent. 3, 6, 5, tant de jours à attendre la suite. Un renouveau qui nous fait espérer, mais qui est en fuite. On pense au sable quand le ciel est maussade, mais cette plage dans le sablier de nos vies nous semble pas qu'il fait si froid. Et ça reflète mes textes. On me demande pourquoi j'écris si sombre. Nous voilà dans le contexte. Ça nous colle si bien, cette nature si morte. On est vide de l'intérieur et ça s'exprime en quelques notes. Tu comprends pas l'image, nos vies sont une saison. Cet alliage de deux extrêmes auquel on se fait une raison. On a passé l'été, il nous faut affronter l'hiver en plein automne. Un reflet de nos vies si monotone. En plein automne et les âmes sont mortes. Nos vies sont creusant dans nos cœurs et le bien qu'on s'apporte. Les larmes tombent comme les feuilles, on perd tous de la sorte. Des pensées si fortes et si noires avant que l'hiver nous ouvre ses portes. En plein automne et les âmes sont mortes. Nos vies sont creusant dans nos cœurs et le bien qu'on s'apporte. Les larmes tombent comme les feuilles, on perd tous de la sorte. Des pensées si fortes et si noires. En plein automne, le temps est gris, comme mes écrits, comme les églises, les cris, la peine dans mes veines, tant mon cœur est aigri. L'été, c'est juste un souvenir avant le prochain. L'avenir, c'est tellement incertain, tellement, tellement que j'ai un pincement au cœur dès qu'arrive la Toussaint. Tous ces arbres qui se dénulent au fil des jours et qui me laissent un goût amer. Atteignez l'espoir par une période pluvieuse, plus sûre, ça me resteront heureuses au sein d'une époque triste sur cette terre. Mais je peux pas m'empêcher d'aimer la pluie, le ciel grisonnant, le bruit du vent, l'orage étonnant. Y'a rien d'étonnant, j'ai l'esprit automnal, peut-être banal en septembre. Mais en septembre, c'est devenu normal. En septembre, je suis bien dès qu'arrive cette saison. Au fond, j'ai peut-être raison d'aimer ce temps, à couder à la fenêtre de ma maison. Je vais si bien avec ce monde sombre. Je serai tant que il y aura de l'automne dans mon encre. Le froid de nos cœurs et la sécheresse de notre âme. Les sentiments en fade comme les pensées dans nos crânes. Les fleurs se fanent et les feuilles tombent et planent. Ces sanglots et ces larmes qui percent notre écorce comme une lame. Les gouttes sur le visage et la pluie sur le toit. On déprime et ça nous rappelle qu'on ne fait pas le poids. On perd la foi placée en nous et d'un coup on doute. Et cet orage nous fait oublier les joies du mois d'août. Tout semble mort car plus rien ne bouge. Alors les souvenirs nous rongent et font pleurer nos yeux rouges. Des notes amères, bien loin des mots d'amour. Car cette saison nous fera tous craquer tour à tour. La mélancolie se pose telle un flingue sur nos tempes. Un sang épais et noir et ma plume y trempe. On a passé l'été, il nous faut affronter l'hiver en plein automne. Un reflet de nos vies si monotone. En plein automne et les âmes sont mortes. Nos vies sont creusant dans nos cœurs et le bien qu'on s'apporte. Les larmes tombent comme les feuilles, on perd tous de la sorte. Des pensées si fortes et si noires avant que l'hiver nous ouvre ses portes. En plein automne et les âmes sont mortes. Nos vies sont creusant dans nos cœurs et que bien qu'on s'apporte. Les larmes tombent comme les feuilles, on perd tous de la sorte. Des pensées si fortes et si noires. En plein automne et les âmes sont mortes. Nos vies sont creusant dans nos cœurs et que bien qu'on s'apporte. Les larmes tombent comme les feuilles, on perd tous de la sorte. Des pensées si fortes et si noires avant que l'hiver nous ouvre ses portes. En plein automne et les âmes sont mortes. Nos vies sont creusant dans nos cœurs et que bien qu'on s'apporte. Les larmes tombent comme les feuilles, on perd tous de la sorte. Des pensées si fortes et si noires.